les champs patriotes, on entend encore les cris des enfants qu'on assassine. Dans les champs patriotes, on entend encore les cris des enfants que l'on assassine.